Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, ravi de vous retrouver. Eh bien oui, maintenant, ça y est, les vacances sont terminées. Ça y est, c'est la reprise. Et ben, c'est la reprise également. Donc pour Electric Shock ce soir, et croyez-moi, après ces 5 semaines d'interruption, je suis remonté comme un coucou suisse. J'ai plein de choses à vous proposer. Donc ce soir, pour la reprise, je m'étais dit que j'allais un petit peu vous gâter, puisque je vous proposerai pas moins de 6 nouveautés quand même. Car faut pas croire, même si l'été est quand même un peu plus pauvre en sortie d'album, il y a quand même un petit peu d'actualité. Malgré tout, donc on va y revenir un petit peu. Et puis, on va faire un petit survol donc de tous les genres et tous genres qui composent donc notre style musical préféré, bien sûr. Et puis, comme je suis d'humeur généreuse aussi ce soir, et bien pour la reprise justement, il y aura des petits cadeaux. Donc pour ça, il faudra appeler au 02 38 43 48 00. Vous avez 2 heures pour cela. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? J'imagine que vous êtes chez vous, dans votre fauteuil préféré, une bière bien fraîche à la main. Sachez que j'aimerais bien être dans votre cas. Parce que la bière à la main, là, pour l'instant, je n'ai pas. Il faudra attendre ce soir que je sois de retour chez moi. Eh bien, on va commencer donc avec ce qui était un des coups de cœur d'Electric Shock pour cet été. C'est le nouvel album de Avenged Sevenfold, Life is But a Dream, qui est sorti au mois de juin. Et qui, pour ma part, m'a foutu une grosse claque. Pourtant, Avenged Sevenfold, je dois avouer que je suis pas un acharné loin de là, puisque les dernières offrandes ne m'avaient pas vraiment convaincu. Et c'est vrai que ce qu'on pouvait lire dans la presse au départ pour cet album, on pouvait faire oulala, au secours quand même, quand le chanteur M. Shadows disait un peu partout qu'il s'était influencé de Frank Sinatra et de Jay-Z, ça fait un petit peu peur quand même, quelque part. Et du coup, ça donne un album quand même très particulier. C'est le genre d'album que vous pouvez soit aimer, adorer, soit détester. Enfin, on va commencer tranquille avec un morceau qui porte bien son nom, qui s'appelle Cosmic. Et je vous rappelle, 02 38 43 48 00 pour les petits cadeaux. From all that was before, we shut another door, and now the last goodbye. Is taken once again. A fight we'll never win. And time again we try. Left alone, I can't wait too long. Fade. So many times and in so many lives. Sometimes we got it right. Pain, it found its way back in until we meet again. Into that good night, none too. Follow you. Cosmic Avenged Sevenfold, extrait donc de leur album Life is But a Dream, qui est leur tout dernier opus en date. Et bien pour la suite, et bien on va se faire un hommage à ce qu'on appelle un second couteau du blues britannique, qui nous a quitté le 24 août dernier, c'est Bernie Marsden. Alors Bernie Marsden, il s'est fait connaître au sein de la Purple Family au départ, puisqu'il avait fait partie de l'éphémère groupe Pace Ashton Lord après la dissolution de Deep Purple. Malgré le peu de succès que cet album a eu, celui-ci avait eu comme un fort impact sur la scène rock. Et peu de temps après, d'ailleurs, David Coverdale, ex-Deep Purple lui aussi, l'avait engagé dans son Whitesnake, et il était en grande partie responsable de l'orientation rock blues boogie du Whitesnake début des années 80, à qui il a donné donc ses lettres de noblesse. Bon, après, Whitesnake a évolué vers autre chose, et Bernie Marsden a toujours continué son petit chemin en faisant toujours ce rock blues indémodable. Donc il nous a quitté à l'âge de 72 ans là le 24 août dernier. Et puis je vais en profiter aussi pour faire aussi rendre un petit hommage à ma tante Chantal, qui est décédée à peu près en même temps. Bon, alors, je sais que c'était pas spécialement une fan de hard rock, mais c'était une grosse fan de rock, et que c'est quand même grâce à elle et puis à mon oncle si j'ai un petit peu franchi le pas, car c'est eux qui m'ont fait découvrir comme tous les pionniers du rock'n'roll quand j'étais gamin, Chuck Berry, Jerry Lewis, Gene Vincent, etc. Donc, un grand coucou à ma tante, si, là où tu es, je sais pas si tu peux m'entendre, en tout cas... Sache que on t'oublie pas. Et puis je vais en profiter aussi pour faire un petit coucou à ma cousine et lui dire keep on rocking Sophie. Sophie, keep on rocking. Donc on va faire un extrait d'un album de Bernie Marsden qui était sorti en 2014, je crois que c'est son dernier, qui s'appelle Shine. On avait passé des extraits à l'époque. Et c'est le morceau You Better Run. to heaven or closer to hell. Oh, the deeper I go, it's harder to tell. C'est bon, ça aussi c'est un des coups de cœur d'Electric Shock. Le dernier Rival Sons, Dark Fighter, avec le morceau Guillotine, d'ailleurs Rival Sons, qui sera en concert prochainement à Paris, à l'Olympia, le 27 octobre prochain. Juste avant Rival Sons, c'était Bernie Marsden, avec un extrait de son album Shine, qui était sorti en 2014, et c'était le morceau You Better Run. Et ça, c'est en hommage à ce grand monsieur qui nous a quittés au mois d'août dernier. Eh bien, je vous avais promis des nouveautés tout à l'heure, voici donc la première. Alors, je vais vous présenter le groupe Parish, qui nous vient donc de la région parisienne. C'est un groupe qui existe depuis le début des années 2010, et là, ils viennent de nous sortir leur troisième album, qui est sorti donc le 18 août dernier. Il s'appelle You're in Both Dream and You're Scared. Alors c'est un mélange de rock alternatif, teinté de grunge et de shoegaze, enfin il y a plein de choses. Oui, le genre, c'est-à-dire des grosses guitares, un chant mélodique, ou de temps en temps un truc un peu plus doux avec un chant énervé, enfin le genre de truc assez inclassable. Donc que je vous invite tout de suite à découvrir avec le morceau Daydreaming. Et je vous rappelle que si vous voulez rafler des petits cadeaux, 02 38 43 48 00. Les Toulousains de Loud Anonymity et leur nouvel EP Nuances, sorti au mois de juin, c'était Reignite. Juste avant Loud Anonymity, la première nouveauté de la soirée, le nouvel album des Parisiens de Parrish, leur troisième, You're in Both Dream and You're Scared, et c'était le morceau Daydreaming qui a eu à l'antenne. On continue avec, j'imagine que si vous écoutez Electric Shock, c'est que vous aimez la guitare électrique. Et la guitare électrique, si vous en voulez tant qu'et plus, on en peut en trouver sur la compil United Guitars Volume 4 qui est sortie fin juin, qui regroupe des guitaristes de tous les styles de France et de Navarre. Donc, comme je vous disais, c'est le quatrième volet. Donc, pour ce soir, je nous ai choisi un petit morceau d'un guitariste qui s'appelle Romain Pilon. Alors, c'est quelqu'un qui a quand même étudié... au collège musique à Boston, au Berklee College quand même, le truc hyper coté. Et en fait, il a partagé la scène avec des gens comme Christian Scott, Kessler's Big Stone, enfin voilà, c'est quelqu'un qui fait plutôt des sessions, des choses comme ça. Et on va découvrir ce qu'il fait à travers le morceau Don't Call the Police. Thank you. Jules Toudoux, ça c'était le guitariste Romain Pilon avec Don't Call the Police, un morceau qu'on peut trouver sur la compile United Guitars Volume 4. Vous dites, c'est bien joli tout ça, mais c'est un petit peu mou. C'est vrai que ce début d'émission est quand même assez tranquille et assez cool. Eh ben, on va rehausser un peu le niveau en matière d'énergie. Et pour ça, on va faire un petit bond dans le temps. On va se retrouver en 1984, à l'époque où un jeune groupe allemand qui s'appelait Tormentor sortait sa première démo. Et Tormentor, plus tard, allait devenir donc Creator. Et maintenant, donc ces fameuses démos qui étaient vraiment introuvables et qui n'étaient jamais sorties sont enfin disponibles depuis le mois de juin sous la forme d'un CD DVD donc qui comprend donc les deux premières démos donc de Tormentor plus deux répétitions de Creator plus tard en 85 plus un DVD enregistré en 86 dans un studio télé et croyez-moi tout ça ça arrache vraiment. La qualité sonore est peut-être pas top mais enfin c'est quelque chose. Donc, extrait donc ce Bone Crushing Demos and Rehearsals 84-85. On va se faire le morceau Tormentor, qui donnait donc son nom au groupe, et que le groupe Creator joue d'ailleurs toujours en concert près de 40 ans plus tard. Et le morceau figure d'ailleurs également sur la version de Endless Pain, leur premier album. Donc, à comparer. Yeah. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez bien Electric Shock, l'émission qui frappe et qui grille les neurones. Ben là, je crois qu'on s'en est grillé une petite partie avec un petit extrait du premier album de Loud Blast, les Lillois, Sensorial Treatment, qui était sorti en 1989 et c'était From Beyond. Que de souvenirs. Pour la petite histoire, la première fois que je les ai vus, c'était en première partie de Manowar à salle Marcel Cerdeau à Bercy et je connaissais pas du tout ce groupe. Pour vous dire, le lendemain, j'achetais le vinyle tellement ça m'avait botté. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Juste avant Loud Blast, c'était le groupe Tormentor Creator avec le morceau Tormentor, extrait de l'album Bone Crushing Demos and Rear Souls 84-85. Voilà, ça c'était le petit retour dans le temps. On va se faire maintenant quelque chose de plus actuel, là, puisqu'on va se faire une nouveauté, la deuxième de la soirée. C'est pareil, c'est un des coups de cœur de l'émission Electric Shock, je pense, pour l'année 2023. C'est le deuxième album de Mammoth WVH, le fiston Van Allen, qui nous avait fait un album très remarqué en 2021, que pour ma part j'avais adoré et qui avait été d'ailleurs un des coups de cœur d'Electric Shock. Et ben le deuxième album prend le même chemin. Alors si vous avez aimé le premier album, allez-y les yeux fermés, vous n'allez pas être déçus, on est dans le même style, ce genre de métal moderne à l'Alter Bridge, Nickelback, enfin plein de choses. Et moi, ce que je trouve bien, c'est que le fiston, il a eu l'intelligence de ne pas refaire la même chose que son père. Même si sur certains solos, en écoutant bien, on sent quand même l'influence. Enfin, bon sang ne saurait mentir, comme on dit. Tout de suite, maintenant, on va découvrir avec Like a Pastime. Et je vous rappelle que si vous voulez des petits cadeaux, 02 38 43 48 00. This is War, ça c'était Alter Bridge, extrait de Pawns and Kings, leur dernier album qui était sorti l'année dernière. Juste avant, tout chaud, tout nouveau, c'était le nouveau Mammoth WH, le deuxième, sorti au mois d'août, et le morceau Like a Pastime. Electric Shock, c'est tous les styles, et même des fois on flirte avec des choses un petit peu à côté du métal. Ben à la suite, on va revenir à une artiste que vous connaissez bien, puisqu'on en a passé déjà pas mal de fois depuis la sortie de son premier album au mois de février. D'ailleurs, elle avait été l'invitée d'Electric Shock au mois de mars dernier pour présenter cet album qui s'intitulait It's Time. C'est Sika. Alors Sika, rentrée très chargée pour le groupe, puisque ils seront en concert donc dimanche à Maro, dans le cadre du Jardin aux Fêtes, en plein après-midi, à partir de 16h. Vous pourrez les retrouver en concert prochainement aussi après au Dropkick le 14 octobre, en compagnie du groupe Namida. Et aussi, le 21 septembre prochain, vous aurez le nouveau clip, qui s'appelle le troisième extrait, qui sera Do Like Me. Et en même temps, ils passeront sur France Bleu le vendredi et le dimanche, à 9h30 et le vendredi à 7h30, à partir de la semaine prochaine, pour présenter des morceaux en acoustique ainsi que des reprises. Voilà, donc quand même, c'est pas mal. Et en plus de ça, ils seront en direct sur France 3 dans l'émission Vous êtes formidable le 14 septembre, à peu près entre 10h et 11h. Voilà. Actualité quand même bien chargée. Ben, comme le prochain clip du groupe, c'est Do Like Me, et ben Do Like Me, ça va être le morceau qu'on va se mettre ce soir. Fiction, everything. everything. I'm the king of the world in front of my fucking big screen. I can see the entire world without moving. I can eat fuck to rust to death. I can live without ever being fully awake. I can see the entire world. Version, c'est leur album Forwards Become Backwards. C'était le morceau Everything Becomes Fiction. Et juste avant, donc, Sika avec son premier album It's Time to Like Me. Et Sika, donc, qui sera en concert dimanche lors du cadre des Jardins d'été à Maro à 16h. Et un peu gagnant, un habitué de l'émission, Christophe, du groupe Prisma, que nous saluons bien bas, qui a encore gagné un petit cadeau. Et puis d'ailleurs, tiens, j'en profite pour vous le dire, mais j'aurai l'occasion de vous le redire. Prisma sera en concert, donc samedi 16 septembre prochain, au Dropkick. Est-ce qu'un petit peu de métal progressif, ça vous dirait maintenant? Eh bien, si on passait à l'album de Corvius Signals, et bien, se faire un petit morceau qui s'appelle The Discovery. Oh, Corvius avec The Discovery, qui est un extrait donc de leur dernier album qui s'intitule Signals. Est-ce qu'on continue avec quelque chose de plus bluesy? Et bien pour ça, ça vous dit, on va revenir à un nouvel live de Joe Bonamassa, le CD-DVD Tales of Time qui est sorti au printemps dernier et qui est donc extrait donc de la tournée du dernier album studio Time Clocks, qui est d'ailleurs très représenté sur ce live. Et d'ailleurs, c'est le morceau titre qu'on va se faire tout de suite maintenant. Donc, Time Clocks. Donc, je vous rappelle que si vous voulez rafler des petits cadeaux, si vous voulez faire comme l'ami Christophe de Prisma, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 02 38 43 48 00. Superbe morceau floydien, vraiment il n'y a pas à dire. Extrait donc du CD-DVD Tales of Time, c'était le morceau Time Clocks de Joe Bonamassa. Et bien on va se faire la troisième nouveauté de la soirée, quelque chose de beaucoup plus furieux, avec les Parisiens de Forest in Blood et leur nouvel album Abyss. Alors Forest in Blood navigue toujours entre hardcore et metal, de façon vraiment magistrale, et Forest in Blood est un groupe à mon avis vraiment à voir. Leur dernier album sorti mi-août s'appelle Abysses, et on va se faire le morceau qui est en même temps le single Children of the 666 avec la petite intro Abyss. Ce petit décrassage auditif vous était offert par Electric Shock. Electric Shock, c'est qui est sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 tous les mardis soirs entre 19h et 21h. À l'instant, c'était Broken Bomb avec Runaway, extrait de leur dernier album Full Mental Racket. Et juste avant, la troisième nouveauté de la soirée, Forest in Blood, et là on a l'album Abyss et le single Children of the 666. Encore une nouveauté, donc la quatrième de la soirée. Ben, vous a pas échappé que lundi c'était la rentrée des classes. Et ben pour elle aussi, c'est la 45e fois qu'elle redouble. Oui, nos écolières préférées, Girls School, sont toujours là et elles viennent de nous sortir un nouvel album là au mois d'août qui s'appelle WT45 avec un point d'interrogation. Et bon bah, ben, on est toujours en territoire connu. Du beau rock'n'roll qui tâche, comme elles l'ont toujours fait depuis leur début. Vous avez envie de découvrir? Eh ben, on s'envoie tout de suite. It is what it is. We can Bright Side, c'était un extrait de Back from the Dead, le dernier album de Hellstorm sorti l'année dernière. Et juste avant Hellstorm, la quatrième nouveauté de la soirée, les écoles, nos écolières préférées de Girls' School, leur nouvel opus WT45 et It Is What It Is. Est-ce que ça vous dirait de continuer toujours rock'n'roll? Eh ben, on va se faire encore un petit extrait du Live at Montreux Jazz Festival 2007 de Motorhead, live posthume, sorti là au mois de juin. On va se faire un petit extrait de cet album avec le morceau Be My Baby qui est extrait de Kiss of Death qui était le dernier album studio de l'époque. Et puis je vous rappelle que si vous avez envie de faire comme Christophe, de gagner un petit cadeau, bah il vous reste encore une vingtaine de minutes. 02 38 43 48 00. Is it loud enough? It's not, is it? It never is. Do you want us to turn it right up? Yes? Turn it up anyway, Dave. Oh, fucking guys, as usual. This one's from Inferno, the album before last. It's called Killers. C'est Be My Baby, donc deux extraits du live posthume de Motorhead, live at Montreux Jazz Festival 07. Eh bien, à 20h44 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, et oui, Electric Shock est là jusqu'à 21h. On a encore le temps de se faire, encore deux nouveautés. Celle qui vient maintenant, c'est un groupe qui nous vient d'Italie qui s'appelle Messa. Alors Messa, c'est un groupe de doom atmosphérique qui nous a sorti déjà trois albums. Le dernier s'appelle... Il s'appelle Close et c'était sorti en 2022. Et là, ils viennent de nous sortir un petit live enregistré au Roadburn Festival, le festival donc dédié à ce genre de musique, où ils avaient un set pourtant très court et qu'ils l'ont dédié juste à cet album. Et pour ça, ils avaient fait appel à plein de musiciens extérieurs, comme par exemple, vous allez pouvoir le constater sur le Orphalise qui va suivre maintenant, où il y a une partie de sax assez déjantée. Et je vous rappelle que si vous voulez des petits cadeaux, 02 38 43 48 00. Orphelise, extrait du Live at Woburn des Italiens de Messa. C'était donc la cinquième nouveauté de la semaine. Et bien on a le temps de se faire la sixième et dernière nouveauté de la soirée avec un vieux de la vieille, Udo Dirkschneider, qui revient avec son 19e album Touchdown. L'ancien chanteur d'Accept nous montre qu'il est toujours en forme avec ce 19e opus sorti au mois d'août dernier. Allez, on se décrasse les tympans avec Isolation Man. Et je vous rappelle, 02 38 43 48 00. Dépêchez-vous. We'll be right back. Child de Titan's Rage, extrait donc de Never Surrender. C'est le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Eh bien, merci d'avoir été à l'écoute de cette reprise métal. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, bien évidemment, avec des surprises comme toujours. Eh bien, amis Nightclubbers, maintenant, c'est votre tour. Restez branchés donc sur Radio Arc-en-Ciel, puisque c'est le Before qui commence. On commence un Before le mardi soir. Nous, comme Radio Arc-en-Ciel, on fait très fort. Salut Christophe. Salut Christophe. Bonne soirée à tous. Qu'est-ce que tu prépares pour notre Before dans Electro? Ce soir, une playlist plutôt tech, avec un début plutôt house. Une vingtaine de titres house et après, on va aller vers de la techno. Voilà. Et ben voilà. Donc, maintenant, amis Nightclubbers, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous laisse en compagnie de Christophe. Salut à tous. Gardez le volume à fond. Comme toujours, de toute façon. Electro Live. Chris Space.